Salut Frédéric, c'est Paul. Je voulais rajouter une petite pierre sur Predator en rappelant que dans le cas du jeu vidéo, Predator est aussi un personnage de DLC dans Mortal Kombat 10 et un personnage très réussi. Voilà. Salut. France Inter, je ne vous félicite pas. Vous mettez en avant un dessin animé dont la petite fille méchante de l'école a pour nom de famille Bourgeois. Si ce n'est pas de l'anti-bourgeoisie primaire, ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Que nos enfants deviennent des zadistes, c'est ça? Miraculous, portez bonheur, les magiques et les choses. Merci pour ton émission de Ladybug. Grâce à toi, mon père, il veut bien regarder avec moi. Bonne journée. To be or not to be, not to be. Quand j'étais adolescent, j'étais en surpoids. Alors pas de raison existentielle particulière, hein. J'avalais juste plus de calories que je n'en dépensais tout simplement. Je vivais bien, rassurez-vous. Mais vous pensez bien qu'au collège, qui n'est rien d'autre qu'une fabrique de la norme, je me faisais charrier. On m'invitait à acheter un soutien-gorge pour cacher ma poitrine naissante. On m'appelait Boubou, loin de ces nombreux sobriquets que les ados qui muent savent toujours vous trouver quand ils se sentent en force. J'avais néanmoins développé une technique assez subtile pour mettre fin au colibé et au harcèlement scolaire. Une grosse tarte dans ta tronche. Un mouvement qui part du bassin, va vers l'épaule, se transfère au poing et qui crée une belle ligne entre ce dernier et le nez du harceleur. Alors ce n'est pas une technique homologuée dans les écoles Montessori, ni chez Françoise Dolto, hein. Mais je dois vous avouer que pour moi, ça a toujours fait ses preuves, quoi qu'on en dise. Bien sûr, déjà à l'époque, des adultes bienveillants m'ont appris à troquer ce mode de communication un peu barbare par celui du langage, et même des fois du dédain face au colibé. Et aujourd'hui, je fais de même avec mes enfants. Je les invite à être dans l'écoute, la verbalisation, et si le dialogue n'est pas possible avec un de ces tyrans des bacs à sable, une médiation avec un adulte du corps enseignant. J'ai appris de mes erreurs. Désormais, c'est cela que j'enseigne à ma progéniture. Face à un tyran, un coussin de négociation doit toujours être posé pour amortir le coup de boule que vous lui mettrez à la fin. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. C'était quoi hier soir? Du taekwondo? Du jiu-jitsu? Du MMA ou quoi? C'est du karaté. Old school karate. Karaté à l'ancienne. Est-ce que vous pourriez m'apprendre? Quoi? Non. Quoi? S'il vous plaît, à la rentrée, ces mecs vont pas arrêter de me pourrir la vie. Bah, c'est pas mon problème. Ouais, mais si je connaissais simplement 2-3 trucs, ça suffirait. Laisse tomber. J'ai arrêté le karaté, compris? En plus, il faut absolument que je me trouve un job. Eh ben, vous n'avez qu'à ouvrir votre propre école. Ça s'appelle un dojo. Ouvrez votre dojo. Écoute, je vais pas discuter de ça avec toi. Je sais même pas si j'ai seulement le droit de m'approcher d'un mineur. Tu veux un bon conseil? Arrête de prendre la tête aux gens. Peut-être que là, t'arrêteras de te faire la tête. En 1984, Karate Kid fait un carton au cinéma. Le jeune Daniel LaRusso, interprété par Ralph Macchio, se fait harceler par un dojo de karatéka à la tête duquel on trouve Johnny Lawrence, joué par William Zabka. Il s'initie alors à l'art du karaté en étant entraîné par Maître Miyagi, joué par le regretté Pat Morita. 34 ans plus tard, on retrouve dans la série Cobra Kai ces personnages vieillis dans un monde qui a profondément changé. Pour évoquer ce mélange hyper réussi de nostalgie et de modernité, j'ai avec moi Philippe Gage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Point et rédacteur en chef du site Le Point Pop. C'est bien ça, pardon. Avec nous également Vincent Istria, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste, notamment pour des séries et de la fiction interactive. Et bien sûr, vous êtes fan de Cobra Kai. Très fan même. Avec nous également Salim Ramani, bonjour. Bonjour. Alias Rebeu des Bois Chronicles. Vous êtes youtubeur, podcasteur et ancien boxeur. Tout à fait. Les combattants sont en place sur le tatami. Attention, Hajime! Et surtout, no mercy! Daniel-san, il faut parler. Quand tu marches sur route, tu marches à droite, ça va. Tu marches à gauche, ça va. Tu marches milieu, tôt ou tard, tu es écrasé comme crapaud. Alors, karaté, c'est pareil. Quand tu fais karaté, tu fais bien. Ou tu ne fais pas du tout. Si ton karaté est entre deux, comme crapaud. Bien compris? Ouais, bien compris. Hein? Alors, prêt? Ouais, je suis prêt. On fait pacte sacré, toi et moi. Je m'engage à enseigner karaté, c'est ma part. Toi, tu promets apprendre. Je dis, tu exécutes, pas discussion. C'est ta part. D'accord? Je suis d'accord, ouais. D'abord, tu laves toutes les voitures, ensuite lustrées. Pourquoi il y a besoin de les laver, ces voitures? Souviens-toi, accord, pas discussion. Oui, mais tu exécutes. Main droite, lustrée. Main gauche, frottée. Lustrée, frottée. Inspire par nez et souffle par bouche. Lustrée, frottée. Un extrait de Karate Kid de John Avildsen, sorti en 1984. Et vous avez pu entendre Luc Hamet, qui double Ralph Macchio, et Roger Carrel, la voix d'Astérix, qui double Pat Morita, maître Miyagi. Alors évidemment, on ne peut pas parler de Cobra Kai sans avant toute chose évoquer la saga Karate Kid. Philippe Gage, oui. Qu'est-ce que c'est Karate Kid ? Karate Kid, c'est un film réalisé par John Avildsen, donc qui est sorti en 1984. John Avildsen, à qui l'on devait déjà, entre autres, le premier Rocky. C'est pas un hasard, d'ailleurs, parce que dans Karate Kid, on retrouve pas mal de grands thèmes qui étaient déjà présents dans Rocky, un récit initiatique. Jusqu'à la musique de Bill Conti. Exactement, la musique de Bill Conti. Et Karate Kid, donc, voilà, c'est l'histoire d'un adolescent qui a été élevé par sa maman, qui n'a pas vraiment connu son père, qui a été emporté par la maladie très tôt, et qui est harcelé par ses nouveaux camarades dans le lycée, dans lequel il vient d'arriver en Californie. Il est déraciné, il comprend plus rien, il sait pas ce qui lui arrive, il a 14 ans, et il va être pris sous l'aile du concierge d'origine japonaise de l'immeuble un peu pourri dans lequel il habite, qui va lui apprendre les rudiments du karaté pour mieux se défendre. Évidemment, ça n'est pas évidemment Karate Kid n'est pas qu'un film d'apprentissage du karaté, c'est un véritable récit initiatique. Et ce qui a fait le succès du film, je pense, c'est justement la grande pureté, la simplicité des archétypes qu'il manipule de façon très très intelligible, très compréhensible par le grand public, et en même temps très profonde, qui réveille des choses, des archétypes, encore une fois, un peu comme, je l'ai dit, Rocky, mais aussi La Guerre des Étoiles, ou pourquoi pas Harry Potter, par exemple. Oui, parce que c'est vrai que si on se fie comme ça juste au titre ou à la présentation qu'on peut s'en faire sommairement pour Karate Kid, ouais, et Cobra Kai, on se dit, bah voilà, c'est des jeunes qui se battent, qui se tapent dessus, mais il y a vraiment une recherche de existentielle sur son identité, sur sa sensibilité, et il est pas rare qu'on verse des larmes en regardant ces films. Non, c'est la grande réussite du premier Karate Kid, un peu du deuxième aussi d'ailleurs, et bien sûr de Cobra Kai, c'est que l'émotion, elle est très importante, et elle n'est pas assénée de façon dégoulinante, un peu putassière si j'ose dire, mais de façon très subtile, avec des fils thématiques qui sont vraiment sur la transmission, sur la difficulté de la transmission, sur les erreurs du passé qui ne doivent pas nous définir, et sur la seconde chance qu'on doit s'accorder à tout un chacun au fil de nos existences. Il y a beaucoup de thèmes philosophiques et existentiels assez subtilement distillé dans ses intrigues, encore une fois dans un écrin très populaire, très compréhensible, et en effet l'émotion, pour moi c'est ce que je recherche avant tout, hein, quand je regarde Cobra Kai, c'est les moments où la série va me donner envie de pleurer tout simplement. Vincent Istria, quelle image a laissé Karate Kid dans la culture populaire ? Alors, pour être franc, moi, vous disiez que Karate Kid, c'est sorti en 1984, j'étais pas né. Oh, il m'énerve déjà. Voilà, désolé. Non, mais c'est un peu de chose près, je suis né en 94, hein, donc voilà, 10 ans près. Mais c'est vrai que je pense que quand on regarde Karate Kid aujourd'hui, et je l'ai montré à mon petit frère récemment, donc encore plus jeune, il y a un côté hyper désuet dans le look des personnages, dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont c'est raconté. Et pourtant, ça fonctionne, parce que les personnages sont justement tellement vrais dans leur simplicité. Moi, je trouve que le personnage de Danny LaRusso, qui est donc le héros du premier film Karate Kid, Ralph Macchio, voilà, qui est joué par Ralph Macchio, absolument, c'est un personnage qu'on voit nulle part ailleurs, en fait, dans aucune autre fiction, parce qu'il a ce côté, c'est à la fois un ado un peu naïf, mais en même temps, il a la tchatche, c'est presque un personnage qu'on verrait plus joué par Danny DeVito, en général, pas un personnage de 14 ans. Et il a un côté comme ça très marrant, il a une grande gueule et tout, et je trouve que c'est tellement facile de s'identifier à tous ces personnages, et dans Cobra Kai, il y en a toute une galerie, au lieu d'en avoir que quelques-uns, et donc c'est encore plus facile d'en trouver un, on se dit, ah ça c'est moi qui vis toutes ces aventures. D'autant que Danny LaRusso, dans le premier Karate Kid, même s'il n'a pas les moyens de se défendre, ne baisse pas la tête. C'est-à-dire que là où on a l'habitude de voir énormément de modèles, de victimes dans les collèges, les lycées américains qui se font enfermer dans les placards ou tout ça, Danny LaRusso, dès le départ... Il recherche de solutions, oui, tout de suite. C'est un petit teigneux. Oui, hein, il est teigneux. Ouais, sur la plage, là, avec la première scène avec Elizabeth Chou. Et quand oui, Elizabeth Chou, donc c'est le premier film, d'ailleurs. Exactement. Et voilà, c'est lui qui le premier colle un pain au personnage de Johnny Lawrence joué par William Zabka qui était aussi adolescent à l'époque. Et c'est ce qui provoque toutes les catastrophes de Cobra Kai. De Cobra Kai, oui. Il est souvent victime de ses accès de colère, hein, d'ailleurs. Salim Rahmani, quelle place a Karate Kid dans votre vie ? Pour moi, c'est un film culte. C'est aussi un film initiatique, comme disait Philippe. Parce qu'il m'a beaucoup marqué. C'était un film qui était un peu un miroir déformant de Rocky, que j'appréciais énormément aussi, parce que j'ai découvert Rocky avant. Et là, c'est le pendant californien de Rocky qui est plus sur la côte est. Et il y a toutes ces couleurs, cette chaleur qu'il n'y a pas dans Rocky. Et de voir un enfant qui est quand même monoparental, qui fait face à un nouvel environnement, qui fait face à toute une bande de bullies, comme on dit, de brutes, et qui arrive dans un lycée qui est complètement inconnu, avec cette lutte des classes aussi. C'est aussi une lutte des classes aussi, Karate Kid comme Cobra Kai. Oui, parce que c'est des gens qui sont confrontés au chômage, au déclassement. Même Maître Miyagi, il vient quand même d'une tragédie. Ancien soldat, avec les familles japonaises qui ont été enfermées par les soldats américains. Et il y a un trauma matriciel. Ça donne lieu à une scène très émouvante dans le film, d'ailleurs. Très émouvante, il parle de son passé où il est légèrement éméché. Et ce que j'aimais bien, ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est l'élévation par le sport. Par les valeurs du sport, c'est pas trop la gagne que je cherchais dans Karate Kid, c'était plutôt comment s'élever, se définir à travers le sport, à travers le karaté, comme Rocky à travers la boxe. Et trouver un équilibre. Et voilà, c'était surtout par rapport à Karate Kid comme Cobra Kai, c'est jamais trop la victoire qu'on regarde, ni trop la technique, c'est plutôt l'âme de toute cette saga qui reste à travers le temps. Et Cobra Kai, le prononce très très bien. Mais d'ailleurs, c'est pas un hasard si toute cette équipe qui a fait naître Karate Kid était la même que le premier Rocky. Il y a exactement ce même discours un peu similaire dans Rocky, qui est l'important n'est pas de gagner, mais de savoir comment tu auras combattu et si tu seras resté jusqu'au bout. Tenir la distance. Et c'est vraiment une distinction qui est assez importante par rapport à l'image qu'on se fait de ces films, Philippe Gage. Oui, en effet, la caricature de Rocky et dans une moindre mesure de Karate Kid, c'est en effet que ce sont des films pour les mecs, quoi, ou dont le principal argument de vente ce sont les combats, la boxe pour Rocky et le karaté pour Karate Kid. Mais en fait, non, vraiment. Alors c'est vrai qu'ils sont là, hein, je veux dire, et Cobra Kai exploite énormément cette fibre-là et de façon crescendo d'ailleurs entre les saisons 1 et 4. On vient aussi pour voir un peu de castagne, il faut pas se mentir. Mais sans le mot que tu as employé, est très très bon, c'est l'âme. Sans l'âme des personnages, sans l'âme de la philosophie qui infuse vraiment toutes les relations entre les personnages et leur itinéraire parfois douloureux, on s'intéresserait pas du tout à ces combats, on n'en aurait rien à cirer. C'est vraiment ça qui fait le ciment de la série. C'est important de bien stipuler comme Rocky le noblard et l'art martial par rapport à Miyagi et tout son héritage. Plutôt se défendre, plutôt qu'attaquer, etc. Ça me fait penser beaucoup à Ip Man aussi. Oui. Il se défend d'abord, au lieu de frapper, etc. Ip Man, qui est une énorme figure très populaire dans le cinéma hongkongais. Ouais, c'est le maître de Bruce Lee. Il y a eu énormément de films faits autour de cette figure, notamment celle qui a été le plus connue en France, c'est Grandmaster. Avec Tony Leung qui l'interprète, mais il y a désormais eu Donnie Yen, etc. Alors, un des points forts de Cobra Kai, c'est sa bande-son. Des groupes mythiques comme Motley Crue avec Kickstart My Heart. Et j'en profite pour dire que toute cette semaine, l'émission a été réalisée par Céline Hilla. Elle a été préparée par Manon Rax, Aurore Mansip et Benjamin Ducy, avec l'aide de nos stagiaires Benjamin Woodcock et Alice Galtier. Motley Crue, kickstart my heart. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Tu es bien sûr d'être prêt? Parce que c'est une voie sans retour sur laquelle tu t'engages. Vous allez être mon prof de karaté? Non, je vais être ton sensei. Je vais t'enseigner le style de karaté qu'on m'a enseigné. Je vais pas simplement t'apprendre à vaincre ta peur. Je vais t'apprendre à réveiller le serpent qui dort en toi. Une fois que ce sera fait, ce sera toi qu'on craindra. Tu vas acquérir la force. Tu vas apprendre la discipline. Et quand le moment sera venu, tu frapperas. Un extrait de Cobra Kai où vous avez entendu Johnny Lawrence qui est doublé en français par Alexis Victor et vous avez également entendu Miguel Diaz doublé en français par Damien Zanoli. Philippe Gage, justement, oui. Cobra Kai, comment c'est né? Parce qu'on l'a posé en début d'émission, à la base, il y a Karate Kid et 34 ans plus tard, il y a une série qui reprend ces mêmes personnages plus vieux. Mais il faut dire que William Zabka jouissait d'une popularité qui a perduré entre Karate Kid et Cobra Kai. Oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que d'abord, on retient très souvent. Il compose dans Karate Kid un excellent méchant dont on se souvient vraiment, Johnny Lawrence. Et en 2007, Zabka avait fait un clip. Il avait participé à un clip. Il a réalisé un clip aussi. Voilà, dans lequel il se moquait lui-même de son propre personnage. Et je crois que ce clip sur YouTube qu'on peut encore voir avait fait beaucoup parler de lui et contribuer à réveiller l'attrait, la légende autour du personnage et de la mythologie Karate Kid. Il y a également la série How I Met Your Mother. J'allais y venir quelques années après, je crois que c'est en 2013, William Zabka et Ralph Macchio qui n'ont jamais vraiment perdu le contact finalement, sont apparus tous les deux dans un épisode de How I Met Your Mother dans leur propre rôle et donc l'épisode jouait énormément avec la nostalgie en s'en moquant un petit peu. Il s'agit de Karate Kid. Et c'est comme ça que... Alors apparemment, je n'ai pas interviewé les créateurs, moi, les trois créateurs de Cobra Kai, hein, qui sont Josh Hild, John Hurwitz et Hayden Schlossberg. Donc je ne sais pas exactement quelle est la relation de cause à effet entre le moment où ils ont dû voir ces moments-là et ce qui a déclenché chez eux l'idée de la série. Mais clairement, il y a eu un lien à ce moment-là. Quoi. Voilà. Dans l'inception de la série, il faut aussi... évoquer le fait que pendant longtemps sur Internet, ça a alimenté des débats aussi. Parce qu'il y a cette fameuse théorie que Daniel LaRusso était le méchant dans Karate Kid et que on avait simplement son point de vue et c'est pour ça qu'on était de son côté, mais qu'en fait Johnny Lawrence n'avait rien fait de mal et c'est un peu le moteur aussi de la série. Bah, c'est-à-dire que Cobra Kai commence avec un Johnny Lawrence qui lui, il galère clairement dans la vie, il galère. Et sa gloire est derrière lui, alors qu'au lycée c'était quelqu'un. Ce tournoi qu'il a perdu et il a perdu sa copine et il a perdu son statut et dans sa tête il reste complètement coincé dans l'ombre en se disant le responsable de ma déchéance c'est Danny LaRusso qui lui en plus est devenu concessionnaire de bagnole voilà et puis c'est qui une famille superbe puis qui est quand même un peu tête à claque hein. Non mais quelle idée géniale. Bah oui. Quelle idée géniale. Et juste, il y a une idée de réalisation vraiment extraordinaire. Dès le premier plan du premier épisode de Cobra Kai, moi c'est ça qui m'a tout de suite accroché, c'est qu'il y a un fondu enchaîné entre le dernier plan de Karate Kid où on voit Johnny Lawrence au tapis après le coup de la cigogne de Daniel LaRusso, et il y a un fondu enchaîné entre ce plan-là et le moment où 35 ans plus tard, on voit le même Johnny Lawrence dans son lit, qui a été mis KO par la vie, avec un pack. Il se réveille un matin après un soir de cuite, ses bières. Oui, c'est un mardi pour lui. C'est ça, ouais, exactement. Avec les chips étalés sur le lit. Et c'est un simple plan, mais une super idée de plan qui tout de suite nous fait comprendre qu'on va parler de ce personnage que la vie a complètement dégringolé dans sa vie, qui a été complètement déclassé socialement. Salim Rahmani, quel a été votre point de vue sur ce Johnny Lawrence quand vous l'avez retrouvé 34 ans plus tard? Ça m'a fait mal, ça m'a touché pour lui, même si c'était vu un peu comme l'antagoniste. Et après, moi, j'avais quelques réticences par rapport à Daniel, parce que, comme vous le disiez, il a un peu tête à claque, hein, quand même, Daniel. On a du mal à l'apprécier vraiment à sa juste valeur. Il est vraiment aidé par Miyagi. Alors que Johnny, il est vraiment, il est avec Martin Cove, il est avec John Cleese, John Cleese, le terrible John Cleese. C'est vraiment lui le vrai méchant. C'est vraiment le vrai méchant de l'histoire. Parce qu'on voit à la fin de Karate Kid sur la finale qu'il veut la jouer propre. Il veut pas se servir de la blessure de Daniel pour gagner. Et son coach lui dit non, faut que tu ailles. On est sans pitié à Cobra Kai. Et ça m'avait beaucoup touché cette phrase. Et même à la fin, il remercie Daniel. Il lui fait t'es vraiment le vainqueur. You're okay, LaRusso. Au nouveau vainqueur. Je me rappelle de ça, cette phrase qui m'avait beaucoup marqué. Et Karate Kid 2 avec l'introduction où on voit comment John Cleese s'occupe de lui. Le petit combat avec Miyagi qui est très sympa avec le poète. Et derrière ça, ça m'a fait de la peine parce que comme on l'a dit. La légende a été alimentée sur Internet. Il y a aussi une vidéo qui a été virale, qui a été montée pour montrer que le bully, que la brute, c'est bien Daniel et pas Johnny. Et on voyait Emmett Murray aussi, parce qu'on est touché par ce personnage, on le voit témoin de oui, Barney, puis, etc. Barney est un petit peu du côté de Johnny Lawrence. Et en fait, c'est une bonne corrélation entre la vie de William Zabka, la vraie vie, et son personnage. Et j'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient mixé tous les deux. Et en fait, je vois William Zabka et je vois plus trop Johnny. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'on voit que la vie l'a maltraité, que c'est difficile pour lui, qu'il a un enfant aussi et une femme qui l'a abandonné parce que sa mère est morte. On comprend aussi qu'il avait un beau-père, que sa mère voulait une meilleure vie pour lui et qu'il s'est retrouvé à... comment s'appelle ce quartier? Parce qu'il y a Reseda et Encino. Et on voit que lui aussi, il est complètement perdu par cette histoire et qu'il n'a même pas gardé un job. Et derrière, Daniel qui se comporte mal, parce que Daniel, il est un peu en arrière-plan sur les premiers épisodes. On le voit plus faire l'épisode 5, qu'on commence à le voir un peu plus Miyagi style, parce qu'au début, sur les premiers 5 épisodes, je pouvais pas me le voir. Il a un maître Eichlass, hein. J'étais Team Johnny à fond, là. Ouais, Team Johnny à fond. Après, Johnny Lawrence. Ça se rééquilibre. Et on voit que les deux, ils ont des démons à combattre, ils ont des frustrations. Et Daniel aussi, il est pas équilibré. De toute façon, les deux semblent complètement prisonniers du passé, parce que Daniel est à la fois. Oui, et puis il est prisonnier encore de Maître Miyagi. Pat Morita est mort entre Karate Kid et Cobra Kai, mais il est de tous les plans. C'est-à-dire que il en parle tout le temps. Dès qu'on voit un bonsaï nettoyer les voitures, quand il apprend les arts martiaux aux jeunes, il transmet. On nettoie on peint les palissades, on nettoie les bagnoles. Il y a toujours Maître Miyagi est là tout le temps. Et là, c'est vrai que son ombre plane sur la série. Et on sent que Daniel, il est encore sur son maître, il n'en a pas fait vraiment le deuil, et c'est ça qui le déséquilibre, plutôt que Johnny, et ça révèle en lui quand même cet esprit rancunier, revanchard par rapport à Johnny qu'on voit toute la polémique autour du tournoi. Et Vincent Estria, il faut aussi noter que Johnny Lawrence, qui est donc un petit peu le héros, mais pas au sens noble du terme, mais le protagoniste principal de Cobra Kai, c'est un personnage qui échappe à l'écriture moderne, c'est-à-dire qu'il a vraiment, il est pétri de défauts. Il est macho, il est raciste au début, il est horrible. Ça a même été l'une des critiques sur Cobra Kai. Il y a aussi des gens qui disent que Cobra Kai fait l'apologie de la violence, tout ça. Mais il faut laisser le temps à la série, puisque en fait, tôt ou tard, il nous montre que ces personnages ne font que réagir à d'autres formes de violence sociale, sociétale, familiale, psychologique, et que donc du coup, cet équilibre-là, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi un côté, c'est un peu les aventures d'une génération boomer face... voilà. Attention à ce que tu vas dire sur les boomers. Face aux jeunes, face aux jeunes aujourd'hui et le décalage que ça peut créer. Et en même temps, c'était déjà ça dans Karate Kid, puisque de toute façon, c'était aussi des personnages de jeunes qui se retrouvaient complètement bouffés par des figures patriarcales parfois abusives. Oui, inutilement violentes. Voilà, tout à fait. Donc ça rentre complètement là-dedans. Mais je voudrais aussi rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce principe de rédemption, le fait que, par exemple, Daniel est insupportable dans les premiers épisodes. C'est voulu. Et c'est une mécanique narrative qui est répétée à l'infini dans Cobra Kai et qui est très efficace. C'est qu'en fait, systématiquement, le schéma le même, c'est qu'on a un personnage qui se fait maltraiter. Et donc, ça peut être Johnny, mais ça peut être Miguel, ça peut être tous les autres, qui va s'entraîner pour essayer de vaincre son harceleur, son bully. Et quand il commence à prendre le dessus, boum, la série nous donne le point de vue du bully. Et d'un seul coup, on se dit, ah mais non, mais en fait, il avait raison d'agir comme ça. Et je pense que c'est assez représentatif de ce qui se passe souvent dans la vraie vie aussi dans les cas de harcèlement scolaire, quoi. Même les méchants enfants sont des enfants. Qui devient aussi la brute. la victime qui devient un célèbre brut, et on n'arrête pas de basculer comme ça d'un côté à l'autre pour que chaque affrontement en fait arrive à un stade de tension dramatique où on a envie que personne perde et que tout le monde se venge, et donc c'est pas compatible, et il y a quelque chose d'assez jouissif là-dedans, quoi. Et puis on avance dans la série, plus c'est comme ça, les derniers affrontements, le dernier tournoi à la fin de la saison 4, il est terrible parce que même les affrontements de personnages secondaires, de figurants, ouais, on est là, ah, bah, après tout ce qui s'est passé, c'est tellement grave qu'ils se battent. Et donc c'est très amusant. On n'a pas de parti pris, on est pour tout le monde. Ben, c'est ça. Mais en fait, à chaque fois qu'on a un parti pris, la série nous dit, mais vous avez tort. En fait, lui aussi, il est gentil. Et donc, c'est vraiment l'habileté des scénaristes. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de caricature et de moule définie. Les personnages sont en permanente évolution. Mais en même temps, on n'a pas la sensation que c'est incohérent. Je sais pas. Il y a vraiment une magie dans cette écriture qui est vraiment une habileté qui est incroyable. On va continuer de parler de Cobra Kai, mais on va marquer une nouvelle courte pause musicale en écoutant Fishback avec De l'Instinct. Une bande son, à mon avis, que n'écoute pas Johnny Lawrence, mais peut-être qu'il peut-être devrait. Ses élèves. Peut-être qu'il devrait. C'est là, non ? Non. L'instinct de Fishback. Frédéric Sigrist. D'un côté. Blockbuster sur France Inter. Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. J'étais sûr que c'était toi. How the hell are you? Bon sang, c'est... Viens là, comment tu vas? Oui, salut. Oh, je le crois pas, t'as pas changé. Still got those golden locks, hein? Ta chevelure est toujours aussi dorée. Hein? C'est dingue, j'en reviens pas. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Oui, je vais bien. C'est génial. Hey, Anouche, amène-toi. Louis, viens là, je vais vous présenter quelqu'un. Non, je dois y aller. Non. C'est Johnny Lawrence. Nous deux, ça remonte à loin, hein, mon pote? Ce mec était une vraie terreur, c'était le caïd du lycée. Je peux vous dire qu'à mon arrivée du New Jersey, Jersey, on s'est un peu frité. Attends, c'est le gars du karaté? Le type du tournoi? Celui à qui t'as botté le cul? Oui, le match était vraiment très serré, mais si on veut être précis, je vais botter la tronche. Je te taquine, je te taquine. C'était une attaque irrégulière. Oh, irrégulière, sérieux? Et ton coup de coude derrière mon genou? J'ai eu un avertissement et toi la victoire. Oh, oh, oh. Pas de bagarre dans le show, les gars. T'inquiète, remettez-vous au travail. C'était un plaisir. Allez, au travail. Ça suffit avec les souvenirs. Écoute, je t'en veux pas pour l'époque du lycée. D'accord? Je sais que c'était pas toi. C'était Cobra Kai. On est mieux sans ce dojo, pas vrai? Allez, prends soin de toi, je t'appelle dès que ta voiture est prête. D'accord? C'est du délire. T'as l'air... C'est bon de te revoir, mec. Les retrouvailles de Larousseau et Johnny Lawrence 34 ans plus tard, et vous avez pu entendre Maurice Décosté qui interprète Daniel Larousseau dans la version Cobra Kai. Philippe Gage, est-ce que une des raisons du succès de cette série, c'est pas aussi son rythme, parce que c'est des épisodes assez courts? Ouais, mais oui en effet c'est ça. Comment dire, je la refais, ça se consomme, ça se voit très vite, et il y a quand même aussi à l'intérieur de ce format assez court une gestion de l'écriture qui est très efficace. Voilà, il y a jamais de longueur dans Cobra Kai, il se passe toujours quelque chose, et moi jusqu'ici, alors à part peut-être devant certains épisodes de la saison 4 qui m'a un petit peu moins emballé, je dois dire que les trois premières que je tiens vraiment en admiration totale, mais on s'ennuie jamais devant aucun épisode parce qu'en effet, il y a un timing très marrant. Enfin, je veux dire il y a vraiment un mélange, il se passe toujours quelque chose, il y a une foultitude de personnages qui sont tous très intéressants, même les deuxièmes, même les troisièmes couteaux, et il y a une écriture des dialogues qui est souvent très drôle, avec des références très bien gérées à la culture geek, à la pop culture, des références à Game of Thrones, des références à je sais plus, à Bloodsport. Bloodsport, bon, à plein de choses des années 80. Aigle de fer, bien sûr. Les scènes où Johnny Lawrence est en pleurs devant Aigle de fer. Mais la série joue très très bien avec tout ça, et ce qui fait que la tension, elle est en permanence soutenue. Oui, on s'ennuie jamais. Puis un côté comédie à la base aussi. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on en parle très sérieusement parce que pour nous, c'est pas une blague, Cobra Kai. Mais c'est une comédie à la base. Hein. Les premiers épisodes, c'est très drôle. Je crois que là, vous avez mis la série d'ailleurs citée dans la catégorie comédie. Et puis les trois auteurs, les trois créateurs de la série viennent tous du monde de la comédie. Ceux qui ont fait Hot Tub Time Machine, Films à Rod et Kumar, qui sont excellents. Je crois. C'est possible. Aussi. Ils sont tous, c'est la même team. Voilà. Et c'était un peu les comédies bas du front, sous la ceinture. Et puis, le premier épisode dès le pilote, c'est tout de suite des blagues sur le caca, etc. Donc, faut accepter aussi ça, cet aspect-là. Mais oui, c'est de la comédie. Mais je trouve ça jamais lourd, moi, justement. Bah, je trouve que à chaque fois... Si on est client, de toute façon... Je suis client du caca. Voilà. Je le dis en direct. Voilà. Je pense que c'est... Voilà, je suis une émission qui fait émerger ce genre de fulgurance. Le mais c'est bien, il fallait que ça sorte. Non, mais en vérité... Je vais être convoqué, hein, vous savez ça. Je vais être convoqué juste après. Je viendrai avec toi par solidarité. Pour justifier. Non, mais voilà, à la base, c'est une comédie. Donc on commence par rigoler, et puis après il y a une structure qui est celle d'un espèce de shonen, comme un dessin animé japonais, avec les rivaux, avec l'entraînement, les compétitions, tout ça, qui fait que c'est ultra addictif. Et puis en plus de ça, il y a toutes les petites mécaniques narratives dont on a parlé jusque-là, qui font que ça se renouvelle et que... Mais ça, c'est intéressant, quoi. Mais je le redis, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça n'est jamais vulgaire. Voilà, c'est ça. Il y a parfois des grossièretés et des choses un peu, comment dire. Les personnages disent des conneries, mais c'est jamais vulgaire. Voilà. Oui, la réalisatrice me pose la question, mais est-ce que les enfants peuvent regarder? Oui, j'aurais tendance à dire que oui. Oui, moi je trouve que c'est les enfants, c'est les ados les plus réalistes qu'on ait jamais vus à l'écran, de toute façon. Hein, voilà. Mais les enfants, ça dépend ce qu'on entend par enfant. Genre, en toute 7 ans, ça reste peut-être un peu jeune. Mais dit à partir de 10 ans, il n'y a aucun problème. Et c'est pas qu'une série nostalgique, c'est aussi, on l'a dit, une série sur deux générations qui peinent quand même à se comprendre et qui fondamentalement, on dit souvent, les choses ne changent pas, c'est toujours pareil, ou même c'était mieux avant. Cobra Kai montre bien que les choses ont évolué sur des tonnes de sujets et que quelquefois ce changement qui est finalement assez rapide, eh ben il est pas forcément simple à vivre à la fois pour les jeunes mais aussi pour la génération qu'on qualifie de boomer et c'est vraiment incarné à l'écran, c'est quelque chose d'assez fort. Je sais pas si Salim si vous avez vécu la même chose, mais moi, bien sûr, c'est vraiment la série de l'héritage par excellence. Parce que là, on a deux générations, on a les enfants de ces personnes, des enfants de substitution aussi, comme Miguel par rapport à Johnny, comme il le dit pas au début parce qu'ils s'identifient pas, mais Johnny Keane avec Robbie Keane avec avec Daniel, et c'est constamment bien équilibré, parce que ce que j'aime beaucoup ce Cobra Kai, c'est qu'il y a la nostalgie avec tout ce qu'on a aimé sur la Karate Kid, donc la comédie, le drama, la romance, les superbes musiques, ce fameux tournoi qui donne la pêche, et derrière ça ils ont tout le temps un regard vers le futur, vers le futur, avec tous ces nouveaux personnages qui arrivent, qui donnent d'autres enjeux, d'autres dynamiques, et c'est super bien équilibré à chaque fois. Il y a toujours la bonne balance avec la superbe écriture, parce qu'il faut vraiment féliciter les créateurs, parce que c'est quand même très fort, hein. Comme l'a dit, ils viennent de la comédie pour faire une série aussi forte et aussi prenante, avec autant de sensibilité, parce qu'il y a beaucoup, même si on se marre et même si on aime aussi quand même les efforts qu'ils ont fait par rapport au combat, il y a beaucoup d'émotions. Moi, je retrouve vraiment l'émotion de chaque combat, de chaque acte, de chaque conséquence, de cliff à la fin, etc. Et les saisons finissent à chaque fois tristement, quoi. Sur cette gestion de la nostalgie, je suis assez d'accord. On est vraiment à l'opposé d'une nostalgie béate des années 80 à la Stranger Things, hein. Pardon, je radote un peu avec Stranger Things. mais ce que c'est ça que j'adore dans Cobra Kai, c'est que il y a une vraie tendresse pour cette époque, pour les années 80, pour tous ces tropes qu'on retrouvait dans les séries et les films de l'époque et toutes ces références. Mais, en effet, il y a, à travers le personnage de Jenny Lawrence, un vrai regard critique qui pointe tout ce qui n'allait pas aussi dans cette époque-là. Et à travers l'aptitude à la rédemption de Johnny Lawrence, justement, la série arrive à faire coexister justement l'ancien monde entre guillemets et le nouveau incarné par les enfants des héros et des enfants de toute origine, et les enfants aussi de tout physique. Il y a un jeune homme haut qui a sa petite cicatrice et c'est difficile pour lui au début. Il y a Aisha qui est en surpoids. Il y a beaucoup aussi de personnages féminins qui il y a beaucoup de personnages beaucoup féminins de caractères, qui se battent magnifiquement. Ce qui manque un petit peu en termes de personnages féminins, ce serait un sensei. Je pense qu'il serait temps d'intégrer un sensei féminin, parce qu'il pourquoi c'est pas encore été fait. Peut-être en tout cas le personnage de Miss Karate qui... non mais aussi il Harry Swank a joué dans Karate Kid. Il y a aussi le personnage tertiaire, aussi la femme qui se rajoute, qui est très bien, Amanda, qui remet bien à l'oral. C'est génial, elle est géniale, elle remet à sa façon générale. C'est une série très féministe, les hommes sont tous à la ramasse, ils sont tous en manque de père et ils se font très souvent, comme tu le dis, Amanda, l'épouse de Danny. Et comment ils amorcent le premier combat entre les deux Je pense que si jamais on lui laissait les clés de la série, elle dure 10 minutes et c'est fini. Hein. C'est-à-dire qu'elle règle les trucs. C'est bien pour ça qu'ils ne l'écoutent pas toujours. Ils sont tous bien développés petit à petit. C'est vraiment sympa. On approche malheureusement de la fin de cette émission, mais avant cela, on écoute The Weeknd avec Sacrifice. I was born in a city. Nights don't ever sleep, so this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Love. Love. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, told you that I'll never leave, but all is sacrificed. Toughest parts when you feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause always sacrificed. Your love for more of the night. I try to pull up a fight. Sacrifice de The Weeknd sur France Inter. Cobra Kai isn't just about karate. Cobra Kai, ce n'est pas que du karaté. It's about a way of life. C'est un mode de vie. Take that first lesson. Retiens la première règle. Striking first is the initial step towards victory. Frapper le premier est le premier pas sur la route de la victoire. Striking first is about being aggressive. Frapper le premier, c'est faire preuve d'agressivité. Right? If you're not aggressive, okay? Si on n'est pas agressif, on est une femmelette. Et ici, il n'y a pas de femmelette. Ici, on a des burnes. Vous y allez un peu fort dans la jurification, non? What? Quoi? Oh, sorry. Ah, pardon. Don't you think you're doing the lab? Vous y allez fort dans la jurification, sensei. No, what the hell non. Are you talking about? Puis c'est quoi tout ce baratin? Mon conseiller d'orientation dit que certains mots perpétuent une vision des choses. Silence! From now on, you won't listen to your guidance. Dorénavant, tu n'écoutes plus ton conseiller d'orientation. Tu n'écoutes que moi. C'est clair, oui ou non? Yes, sensei. Oui, sensei. Good. Bon. Arrête de papoter comme une gonzesse et fais-moi 50 pompes, point sur le sol. Ok. D'accord. Yeah. Ouais. All right, just do some crunches. Bon, allez, arrête, fais-moi des abdos. Vous avez plus de cours de gym à l'école ou quoi? C'est pas possible. Un nouvel extrait de Cobra Kai où on voit les méthodes d'enseignement un petit peu archaïques de Johnny Lawrence. Alors, je rassure les auditeurs, il faut bien que vous compreniez que c'est pas une série qui va critiquer la modernité et puis s'arrêter là et dire voilà, c'était vachement mieux avant. Non, en fait, dans la série, dans sa globalité, on voit que la méthode de Johnny Lawrence a des méfaits et crée des drames, en fait. Simplement, il en a pas conscience parce que c'est le pur produit d'une époque et notamment d'un homme. John Kreese, dont j'aimerais qu'on parle parce que il est hyper important et je trouve qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans Cobra Kai, c'est que c'est un ancien soldat du Vietnam et je trouve qu'en fait derrière Cobra Kai il y a cette idée de qu'est-ce que des aînés, des hommes d'un certain âge font subir à leur jeunesse et c'est exactement ce qui s'est passé au Vietnam. Vincent Estria. Ben oui, c'est vrai que l'idée c'est que c'est des personnages qui répètent. Les souffrances qu'ils ont subies eux-mêmes, en fait, tout simplement, et c'est toujours ça dans la série. Et bon, c'est aussi des choses qui, je pense, reflètent des sujets d'actualité, des choses qu'on vit tous à un moment ou à un autre. Et donc tout le principe de la série, c'est de voir à quel moment ils se rendent compte qu'ils vont trop loin et il faut se remettre en question. Et ça revient à ça. Typiquement, le personnage de John Kreese, c'est le grand méchant pendant la majeure partie de la série. Dans l'esprit des spectateurs, voilà, c'est le méchant. Et petit à petit, on nous dit non, mais il y a aussi quelque chose derrière. Il y a aussi une raison. Il y a aussi une explication. Et donc, il y a aussi une chance de rédemption. Ce qui avait énervé plein de gens, hein, d'ailleurs, hein, parmi les spectateurs. Moi, j'ai vu des gens qui disaient non, tout le monde a droit à sa rédemption. Bah alors Terry Silver aussi, à un moment donné. Bah oui, tôt ou tard, il va y passer aussi. Hein, on va se rendre compte qu'il est le second grand méchant. Voilà. Et qui d'ailleurs, lui, avait presque réussi à tourner la page, enfin, donner l'illusion d'avoir tourné la page. C'est ça. Et il était devenu quelqu'un d'autre et on est venu le rechercher et on l'a fait retomber là-dedans. Bah c'est toujours la même chose, hein, dans cette série, c'est le principe des vases communicants. On s'améliore et puis on empire et puis on se réaméliore et voilà. Mais c'est ce qui permet aussi de créer des personnages tridimensionnels, je crois. Et puis surtout de créer des moments de tension dingue parce que on sait d'où vont les personnages, on sait d'où ils viennent et on a envie de les voir réussir à aller mieux et à s'améliorer. Et à se parler. Et à se parler, c'est souvent des problèmes de communication. C'est énormément de. C'est souvent ça. Si jamais ils savaient se parler. Au lieu de se mettre des coups de pied dans la bouche. Oui. C'est ça le principe. D'ailleurs, c'est très énervant sur le travail sur les dialogues. Parfois, on a l'impression que les scénaristes font exprès d'écrire des dialogues où dialogues de sourds parfois entre Johnny et Daniel. Et Daniel. Voilà, bah après, c'est entre parents-enfants aussi. Mais bon, c'est aussi ça dans la vraie vie, des fois. Voilà, des dialogues de sourds, ça existe. Surtout dans les relations où il y a beaucoup de choses gardées en bouteille, quoi. Et Salim Ramani, il y a aussi quelque chose qui est déterminant dans Cobra Kai, c'est que tout le casting original, mais je dis bien tout le casting, en dehors de ceux qui nous ont quittés, a accepté de revenir et a l'air d'être heureux d'être là. On sent pas le gros chèque pour revenir faire un caméo. On sent vraiment des gens qui reconnaissent que Karate Kid a été une partie importante de leur vie, de leur carrière, et viennent faire un petit coucou. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de la fête aussi, très jouissif quand on regarde. C'est une réunion d'anciens combattants qui nous fait plaisir, parce que surtout moi qui étais très amoureux d'Elizabeth Chou comme un peu tous les garçons de ma génération. Et de la revoir, de la revoir le temps d'un épisode, et j'avais réclamé à corps et à cri depuis la première saison, et il l'a teasé un petit peu, de la voir dans la saison 3, c'était génial. La réunion de bikers aussi, qui était géniale aussi. Très émouvante. Très émouvante aussi, encore, avec très bien ramené. Et de revoir aussi Terry Silver aussi, ça m'a beaucoup touché. Au début, c'est vrai que le 3, c'est, alors je peux pas dire que c'est le parent pauvre, hein, parce que derrière. Karate Kid 3. Ouais, c'est vrai que les deux premiers sont sympas, et le 3, c'est pour moi, il est un peu déséquilibré, même si Terry Silver est un très bon personnage. Et ils l'ont super bien ramené, parce qu'ils l'ont ramené sur un bon côté au départ, qui était intéressant, qu'il avait tourné la page, il gagnait très bien sa vie, très belle villa, etc. Il explique que son comportement dans le film Karate Kid 3, c'est parce qu'il était accro à la cocaïne, ce qui explique beaucoup de choses par rapport au film, effectivement. Donc, monsieur était vegan, etc. Tout allait bien, et voilà, il a repris le catogan, et c'est reparti de plus belle, avec d'autres méthodes. Il y a j'aime beaucoup le côté puriste de John Kreese. Et on a aussi un côté opposé avec un capitaine d'industrie qui va prendre le karaté et le globaliser à toute la région. Il va prendre la Californie, après il va prendre tous les États-Unis. C'est une sorte de virus. Et c'est très bien de les avoir ramenés aussi avec deux dynamiques. Ils apportent beaucoup à la série. Et ils viennent pas là pour nous taper sur l'épaule avec tout le temps cette nostalgie. Je suis ravi que vous abordiez le sujet, parce qu'en fait, je me demande si finalement le plus grand tortionnaire qui est présenté dans cette émission, le vrai maître, le méchant de Karate Kid et Cobra Kai, au bout d'un moment, on se demande quand même si c'est pas justement une certaine forme de consumérisme et aussi de vision très militariste de la société. C'est-à-dire que John Kreese est le pur produit de la guerre du Vietnam et Terry Silver est le pur produit du capitalisme américain et même de la Rousseau. Le moment où il se perd, c'est quand on le présente en tant que concessionnaire. Donc est-ce qu'au final, c'est pas un peu ça le vrai méchant de Cobra Kai? Complètement, complètement. Et donc tous ces personnages qui finissent par opter pour une violence physique qui est ridicule en vérité. Hein. Il y a quelque chose de risible dans leur coup de pied retourné, leur petit cri, etc. C'est toujours en réaction d'une violence sociale, économique. Tous les personnages ont leurs propres problèmes vis-à-vis de ça. Même ceux qui sont riches, ils ont des problèmes vis-à-vis de l'argent et oui, donc ça parle évidemment de ça en sous-texte. Je pense que chaque victoire est douce amère à chaque fois. Il nous la ramène comme ça parce que c'est pas le but premier, c'est pas de gagner, c'est pas de gagner le tournoi de la vallée, c'est autre chose. Philippe Guette, il y a une réplique de Johnny Lawrence que je trouve vraiment intéressante. Je crois que c'est dans la première saison où il dit à un des personnages quand il dit qu'il a grandi à Encino, qui est donc un quartier plutôt bourgeois, et quelqu'un lui dit, et on lui dit, ah mais c'est le quartier des belles maisons, et il dit mais il se passe toujours des belles choses dans les belles maisons. Et donc en effet il y a un discours qui fait le pont d'ailleurs entre le premier Karate Kid et Cobra Kai sur ce visage un peu plus obscur de la réussite à l'américaine, qui cache parfois aussi des choses très très violentes qui ont des conséquences évidemment qui peuvent être tragiques. Voilà, mais alors juste sur ceux qui reviennent, moi j'ai adoré le retour aussi dans la saison 3, pour un diptyque que je trouve mais bouleversant, hein, bouleversant, des comédiens de Karate Kid 2, Tamlin Tomita, l'actrice qui jouait le rôle de Kumiko, et l'acteur qui joue le rôle de Chosen, l'ennemi de Daniel, dans qu'on Karate Kid 2. Dans la prochaine et qu'on saison. Va revenir ouais. revoir exactement. Et ils sont là pour deux épisodes qui, pour moi, je trouve, sont les deux meilleurs de Karate Kid. Absolument d'accord. De Cobra Kai. Je suis absolument d'accord. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Philippe Guedge, Vincent Istria et Salim Ramani. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de découvrir sans a priori Cobra Kai. Vraiment, c'est une série fraîche, fun. C'est pas Citizen Kane, hein, mais c'est un très beau divertissement. C'est pas non plus si bien que ça. Vachement bien Citizen Kane. Oui. Ah, on peut en débattre. On fera une autre émission. Quand ils feront la suite en série sur Netflix. Citizen Kane. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier Philippe Duclos à la technique et Rémi Sistiaga au mixage. Je rappelle que le lundi 22 août, dans le cadre d'un partenariat entre France Inter et OCS, sera diffusé au cinéma Le Grand Rex à Paris, le premier épisode du préquel de Game of Thrones House of Dragons. Vous pouvez gagner deux places en répondant à la question suivante. Comment s'appelle le frère de Daenerys Targaryen? Votre réponse au 01 56 40 30 20. N'oubliez pas de laisser votre nom et vos coordonnées. La première bonne réponse gagnera deux places pour cette avant-première. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous laisser un message au même numéro, 01 56 40 30 20, ou en parler sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Si on veut être pris au sérieux, les gars, il nous faut un nom charmé et qui impose le respect d'entrée. Il nous faut un nom qui évoque la puissance et la domination. Le cobra est fort. C'est peut-être bien le roi de la jungle, mais le monde est bien plus vaste que la jungle. Il n'y a qu'un seul autre animal qui arrive à tuer un serpent. La mangouste ? Un vrai animal, Bird. Je vous présente le redoutable aigle venimeux. Ça n'existe pas, un aigle venimeux. Et lundi, on va parler d'une comédienne que l'on a vue grandir en âge et en talent. On vous parlera de Nathalie Portman. France Inter.